France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Venise est une ville sexuelle. Tout en elle est sexuel. La gondole en est le symbole. Dans cette histoire que j'ai écrite, l'héroïne, l'américaine qui découvre les coutumes italiennes, c'est moi. Ainsi parlait Arthur Lawrence, l'un des quatre auteurs de West Side Story, le dramaturge qui avait eu l'idée de déplacer l'histoire de Roméo et Juliette à New York autour des gangs américains et portoricains. Ainsi, Arthur Lawrence justifiait, 3 ans avant West Side Story, sa nouvelle pièce de théâtre, The Time of the Cuckoo, Le Temps du Coucou, grand succès à Broadway avec Shirley Booth, dans le rôle d'une américaine naïve, en vacances, à Venise, qui découvre un autre monde et tombe sous le charme d'un homme marié qui lui fait la cour. La pièce est adaptée 2 ans plus tard au cinéma par David Lean. Catherine Hepburn incarnait l'américaine. Et puis, elle est adaptée en comédie musicale en 1965. Arthur Lawrence s'associe à 2 auteurs de poids, Stephen Sondheim, le parolier de West Side Story, et Richard Rodgers, le compositeur le plus demandé de Broadway, auteur notamment de la mélodie du bonheur. Le résultat, c'est un petit bijou, une ode sulfureuse à l'adultère, une histoire grinçante à souhait que nous avons mis ce matin en cette heure d'hiver sur la grande affiche de la 42e rue de France Musique. Son titre, Do I Hear a Waltz? Est-ce bien une valse que j'entends? Bonjour à tous. Do I hear a waltz? Very odd, but I hear a waltz. There isn't a band and I don't understand it at all. I can't hear a waltz. Oh my God, there it goes again. Why is nobody dancing in the street? Can't they hear the beat? Magical, mystical, miracle, can it be? Is it true? Everything suddenly lyrical, is it me? No, it's you. I do hear a waltz. I see you and I hear a waltz. It's what I've been waiting for all my life, to hear a waltz. My dears, don't you hear a waltz? Such lovely blue Danube music, how can you be still? You must hear a waltz. Even strangers are dancing now. An old lady is waltzing in her flat, waltzing with her cat. Magical, mystical, miracle, yes, it's true, can it be? Everything suddenly lyrical, can't be me, it must be you. Do you hear a waltz? I want more than to hear a waltz. I want you to share it, 'cause, oh boy, do I hear a waltz. Thank you. L'orchestre de Percy Faith est l'une des plus belles chansons de cette comédie musicale Do I Hear Waltz, en version instrumentale, une chanson intitulée Moon in My Window, et puis pour débuter Dorothy Collins dans la chanson titre. Do I Hear Waltz ouvre à Broadway en 1965, 220 représentations. Ça sera en fait le plus gros échec du compositeur Richard Rodgers. Le public était peut-être surpris par cette histoire d'adultère, mais la genèse de l'œuvre ne s'était pas non plus déroulée le mieux du monde. Et puis d'ailleurs, le parolier Stephen Sondheim critiquera même l'idée juste d'avoir transformé la pièce de théâtre d'Arthur Lawrence en comédie musicale. Il dira, bah voilà, c'est l'histoire d'une femme frigide, quasiment, emprisonnée dans sa froideur. Comment peut-elle chanter? Comment peut-on en faire une comédie musicale? L'enregistrement que je vous propose ce matin reste en tout cas savoureux. Alors voilà, je plante le décor. On est à Venise. C'est le premier séjour d'une Américaine un peu naïve qui a la trentaine. Elle s'appelle Léona Samish. Tout à l'heure, elle va se rendre à son hôtel, tester un peu son italien avec la patronne. Mais pour l'heure, elle se balade au-dessus des canaux. Elle longe les ruelles. Elle traverse les petites places. Alors que résonnent les cloches des églises, l'émotion la prend aux tripes. An incredible day, had an idea and was prompted to say, let's build a city. Where should it be? How about the middle of that sea? Someone drew plans like a set for a stage. Someone spilled colors all over the page. Then they built it. Cookie, you know why? Just so Leona could come here and cry. Can you take me to the Pensione Fioria? Some people cry at hellos and farewells. Some people cry at nostalgia with bells. Some cry at weddings, some at the moon. I cry promptly Mondays at high noon. Some people cry at Vienna or Rome. This one is mine, Cookie, this one is home. Look, they even painted the damn sky just so Leona could and cry. Let's build a city. Where should it be? How about the middle of that sea? Hey lady, look out! You're gonna fall in! People cry when they see their old pals. Me, I'm a sucker for chimes and canals. Look, they even painted the damn sky just so Leona could come here and stand like a lump dripping wet with no shoes on. Last week the Germans You can keep the Germans, always cheap the Germans, even on a trip. Sweet, not the Germans, sweat a lot the Germans, full of smiles the Germans, don't expect a tip. But this week Americans, open-armed Americans, I am charmed Americans, welcome, welcome, welcome. I love Americans, the pleasure is mine. Remember, no breakfast after 9:30. Next week the English, you should see the English, all that tea the English, thirsty I suppose. Good eggs the English, rotten legs the English, all those teeth the English, rows and rows and rows. But this week Americans, more than kind Americans, much maligned Americans, welcome, welcome, welcome. I love Americans and my home is yours. I can't be responsible, so lock your doors. Then come Parisians, full of food Parisians, always rude Parisians, everyone a sneak. Perfume Parisians, overgroomed Parisians, middle class Parisians, far more chic than chic. But this week Americans, generous Americans, never fuss Americans, welcome, welcome, welcome. Thank you, Americans, for coming to stay. Giovanna cretina, il formaggio è per questa sera, l'hanno già pagato, portala via, stupida, vattene! How charming, my guests are from the USA. No alcoholic Swedes, no double-dealing Russians, no Spaniards with their beads and their deafening discussions, no narcissistic Greeks, they're worse than the Italians, with overblown physiques and St. Christopher medallions, no millionaire Brazilians who somehow never pay. I much prefer the millions from the USA. Après les roast beef britanniques la semaine dernière, après les parisiens snobs il y a quelques semaines, cette semaine mon hôtel fait le plein d'américains. J'adore les américains. C'était évidemment l'hymne de la patronne de l'hôtel, très en verve, très terre à terre dans cette comédie musicale qui s'intitule Do I Hear a Waltz. Elle était incarnée par Carol Bruce à la création de cette comédie musicale en 1965 à Broadway. Une chanson comique qui illustre la différence culturelle entre les mœurs des Italiens et les mœurs des Américains, une problématique au cœur de cette comédie musicale signée Richard Rodgers, Arthur Lawrence et Stephen Sondheim ce matin sur la grande affiche de la 42e rue. C'est une histoire qu'a écrite Arthur Lawrence 4 ans avant West Side Story. Alors, l'écriture ironique, il faut bien dire que Arthur Lawrence la pratique depuis qu'il est tout petit. À 10 ans, il écrit en classe un conte autour de la Belle au bois dormant que vient réveiller le prince charmant. Eh bien, elle est si pénible à son réveil, à poser des centaines de questions qu'à la fin du conte, le prince la laisse tomber. Dramaturge exigeant, Arthur Lawrence, il s'était fait connaître en 1945 avec sa première pièce de théâtre, La demeure des braves, qui traitait l'antisémitisme dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, en 1952, il écrit donc The Time of the Cuckoo, qu'il souhaite, dès le départ, adapter en comédie musicale. Une histoire, là encore ironique, un anti-conte de fées, où beaucoup de couples américains vont se tromper. Et où une américaine, vraiment naïve, est complètement perdue en vacances en Italie. Le trouble s'installe lorsqu'elle entre dans un magasin touristique. Le marchand de verre vénitien lui fait la cour et elle ne sait pas encore qu'il est marié. Sergio Franchi incarnait en 1965 ce marchand vénitien. Someone, but somehow we never had looked for someone like you. Our chances were many, but we were too clever. We wanted someone like you. Suddenly the door, wonderful surprise, wonderful and more before our eyes. We thought that surprises were over forever, and then came someone like someone, but somehow I never had looked for someone like you. My chances were many, but I was too clever. Suddenly the door, wonderful surprise, wonderful and more before my eyes. I thought that surprises were over forever. Take perhaps a ride, and you wish perhaps a guide. If I might perhaps provide, let me do. If you wish perhaps to buy, at a price perhaps too high, no one bargains as well as I, let me do. For whatever emergencies arise, laundry or lira rates or bath supplies, you require someone who can take care of these for you. And if I perhaps will do, I will do. Arise, laundry or lira rates or bath supplies, you require someone who can can take care of these for you, and if I perhaps will do, I will do. Perhaps. Stan Stanley, une autre chanson pour le marchand vénitien dans Do I Hear a Waltz, la comédie musicale de Richard Rodgers, une chanson finalement coupée lorsque le spectacle arrivera à Broadway. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. C'est le grand Stephen Sondheim qui a écrit les paroles de cette comédie musicale qui est un véritable voyage en Italie. L'histoire donc d'une américaine novice et jeune en vacances, troublée lorsqu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme, non pas d'un jeune homme, d'un homme tout simplement, marié et père d'ailleurs d'un enfant. C'était la première fois que le compositeur Richard Rodgers travaillait avec le jeune parolier Sondheim. Alors Rodgers, on le sait, il a composé pour Lawrence Hart, pour Oscar Hammerstein, on lui doit des standards comme The Lady, The Tramp, comme My Funny Valentine, comme Doremi. Mais là, il est surpris. Il raconte dans ses mémoires, Stephen Sondheim a une drôle de façon de faire chanter les personnages. C'est comme s'il parlait. Exemple, eh bien, lorsque le marchand donne une leçon de marchandage à la jeune américaine. Traduction, dites que vous n'êtes pas sûr. Vous regardez, vous prenez en main, vous vous interrogez. Vous froncez les sourcils, vous vous étendez sur les défauts. Trop grand, trop petit, trop orange, trop marron. Shopping is different in Italy. Look, when you find something you want to buy, what is the first question you ask the shopkeeper? How much, I suppose. And when he tells you how much, do you pay? Right. Wrong. You say you aren't sure. You look, you handle, you wonder, you frown, you dwell on what is poor. Too big, too little, too orange, too brown, you tell him that you think you see a crack. He tells you it is just the old shellac. You say you saw a better one in Rome a week before. He says that if you did, it must have cost a thousand more. You say to Rococo, he says, shall I rap at you? Is it real Venetian he? I can guarantee it. Let me see some others, please. Madam, all we have are these. May I use a check to pay? Madam, anything you say. Will you mend it? We will mend it. Can you send it? We can send it. Will you, madam? Can you, madam? Is it, madam? May I, madam? Let me think it over. I'll come back another day. You start to leave a shop. He smiles, he fusses, he opens the door. You start and then you stop. You smile, you ponder, you wonder some more. You wonder and you wait, and he the same. Whoever waits the most will win the game. You wander near the goblet, maybe once or maybe twice. You wait until it's closing time and then you ask the price. You say, how much is it? He says, inexpensive you. What is inexpensive? He, only 20,000. That is 20,000, yes. But for you, I'll make it less. Will you make it 1,000,000? No, I'll make it 10,000. 2,000, 10,000. 4,000, 9,000. 5, 8, 7, say. All right, say. Let me think it over. I'll come back another day. You start to live again. You go into the street. And if he follows, then that signals his defeat. And that, you see, is when the bargaining is done. You haven't really saved a single lira, but you won, won, won, won, won. By two, everybody is two. By two, by two, everybody is him and her. Everybody is he and she. Everybody is arm in arm. Two by two, and cookie makes three. One has none to lose. by myself I can say and do what I choose. But it's funny when all is said and done, one and one make one. Have you heard the news? The world goes on by twos. None to lose. By myself I can say and do what I choose. But it's funny when all is said and done, one and one make one. Have you heard the news? The world. Une chanson composée au départ pour cette comédie musicale Do I Hear Waltz, qui devait être interprétée par la jeune américaine qui se balade à Venise et qui découvre que dans cette ville romantique, tout le monde marche en couple, two by two. C'était ici interprété par Tony Bennett. Cette histoire, racontait le compositeur Richard Rogers, se déroule en Italie, mais on ne voulait pas de clichés sur les touristes. Alors on n'a pas mis de tarentelle, on n'a pas mis de ballet entre gondoliers. Et c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de danse dans cette comédie musicale qui ne sera pas un succès. Et Richard Rogers l'explique encore une fois d'une autre façon. Il explique en fait que voilà, tout le monde voulait conserver l'histoire touchante et intime d'Arthur Lawrence, mais qu'au final, au cours des premières répétitions, tout le monde s'est rendu compte qu'on avait abouti à une petite comédie musicale triste avec des chansons. Et que voilà, ça ne marchait pas. Alors ça ne s'entend pas, parce que les chansons sont vraiment de très belle qualité. Et puis, ce qui marche forcément très bien dans cette comédie musicale, eh bien c'est l'histoire sombre avec des couples mariés en résidence dans cette pension italienne dont on se rend compte que le bonheur qu'ils exposent n'est que façade. Loin des bleuettes de Broadway, Stephen Sondheim et Arthur Lawrence ont poussé le bouchon sur les couples qui se trompent. Et parmi ceux qui logent à l'hôtel, il y a un jeune couple américain. Le mari compte Florette à la patronne de l'hôtel avant de conclure dans une gondole. La drague se fait en italien au cours d'une leçon particulière. This is the whiskey. Whiskey, this is the ices. Ices, these are the windows. Glasses, windows. Windows, glasses. Pouring the whiskey. Pouring. Dropping the ices. Dropping. Lifting the glasses. Lifting. Here's to discretion. Non capisco, no understand. I no understand. I no understand you. Crazy language, non capisco, no understand, I no understand you, my dear. This is the finger, singers, this is the soldier, shoulder, this is the uh-huh. body, bella. stand up. This is to turn around. Turn round. This is to go off. Go off. This is goodbye now. Non capisco, no understand. I no understand. I no understand you. Crazy language. Non capisco. You understand. Oh, I understand all too well. Some phrases don't translate. Others are universal. Some you communicate after a brief rehearsal. Good afternoon. Eh? How do you do? Eh? You are so kind. Huh? Where's the hotel? Send up the drinks. Bah. Bring me the bill. Gondola, please. Capisco. You take the whiskey. Whiskey, empty the ices, wash out the windows. Glasses, windows, wash out. Skip it. Bad Giovanna, bad. Stay in this evening. Stay. No, see Alfredo. No. This is goodbye now. Si capisco, io capisco. I understand now. I understand you. Crazy language. Hi, capisco. I understand. See, I understand you, my dear. Some phrases don't translate. Others are universal. Some you communicate after a brief rehearsal. Hi, under the trees. Ah! On the lagoon. You name the place. Gondola, please. Capisco. I capisco. I capisco. You capisco. Me capisco. Si capisco. We capisco. Capisco. Histoire vénéneuse que cette comédie musicale Do I Hear a Waltz. L'héroïne Léona, toute frigide, toute naïve, toute américaine, vient d'annuler la soirée qu'elle avait accepté de passer avec le marchand vénitien en découvrant qu'il est marié. Alors, fidèle à ses origines italiennes, le marchand se rebiffe au cours d'une grande tirade où il se met à défendre l'adultère. Traduction, profite du moment, laisse les choses venir, enlace le moment, fais-le durer. Take the moment, let it happen. Hug the moment, make it last. Hold the feeling for the moment. For the moment will have passed. All the noises buzzing in your head, warning you to wait. What for? Don't listen, let it happen. Take the moment, make the moment, many moments more. Make for us a thousand. Thank you. the moment, many moments more make for us a thousand. Mandy Patinkin, Take the Moment. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et à propos de moments, voici le plus beau dans Do I Hear a Waltz. Le rideau se lève au début du second acte, après une nuit étoilée. La patronne de l'auberge italienne a couché avec un jeune Américain en vacances à Venise, pendant que sa femme discutait avec Léona, l'héroïne de l'histoire. Alors voilà d'abord Jennifer, la femme trompée, qui chante la première. Puis vient le tour de la patronne de l'hôtel, repue, après sa nuit. Et enfin l'héroïne du spectacle qui se demande quoi faire avec cet Italien marié qui la drague. Tous s'interrogent et s'adressent à la lune. Moon in my window. Moon in my window, see that little dawn. By the time you reach it, game. By the time he's reached me, things will be the same. Moon, take charge and take pity. Shine and change the scene. Shine and wash the city. When you reach that cloud there, he'll be home. Can you not sleep either? Oh, Eddie and I never go to sleep early, especially on a night like tonight. Yes, it is lovely tonight. Well, at this hour, the moon Jennifer! Is... Honey, excuse me. I am not impressed. Waken other lovers, let me get my rest. Moon in my window, make the lovers smile. Let them have their dreamings for this little while. Glow past by, then diminish. So romantic moon, all adventures finish soon. Moon in my window, getting late, you'll be back tomorrow. I can wait. Just returning from the cinema? Oh, I didn't go. I'd seen the movie. Jennifer went. And you? Signor De Rossi. Miss Amish. The miracle magical? Not quite. I used to say when I fell in love, I'd hear a waltz. No waltz, Signora. You should have gone to Vienna. Moon in my window, guess I've never seen you, not until tonight. Moon in my window, going oh so slow. Are you giving lessons? Thank you, but I know. Carole Lawrence, Alison Reed, Annie Wershing dans la production en 2001 de Do I Hear Waltz. C'était à Pasadena en Californie. Et maintenant les paroles qui fâcheront Richard Rodgers. C'est de la merde, je ne laisserai jamais mes chanteurs chanter cette merde. C'est ce qu'il dit publiquement, le compositeur, et l'objet du courroux, eh bien, c'est un duo pour le jeune couple américain en villégiature à Venise dont le mari a trompé la femme. Les paroles libertines qu'avait écrit Stephen Sondheim met dans la bouche les paroles que Stephen Sondheim met dans la bouche du mari sont effectivement libertines, aigres douces, satiriques. Il lui fait quand même chanter « Détends-toi ma chérie, tu prends un amant et moi je prends une amante ». Bon, ce n'est pas du goût de Richard Rodgers, on va garder la mélodie, on va changer les paroles, mais finalement ça vaut la peine d'écouter cette première version. En fait, cette chanson annonce Company, une future comédie musicale de Stephen Sondheim autour des couples mariés. Honey bunch, sad to say, but I have a hunch. Screen romances went out to lunch. That's no reason to pout. Don't look bleak, happy endings can spring a leak, ever after can mean one week, we're just having a drought, smile and sweat it out. If we can just hang on, we'll have compatibility, you needn't worry, we're gonna be alright. Day the ache is gone, there's nothing like senility, so what's your hurry, we're gonna be alright. Meanwhile relax, I'll take a lover, you take a lover, when that's played out, they get the axe, we can retire, sit by the fire, fade out, build our house upon the rock of my virility. We better scurry, we're gonna be all night. Oh boy, we're gonna be all right. I was told, just be faithful and never scold. Sounded easy, so I was sold. I've been miserable since. A little vino, they're gonna be all right. She aims to please, she has a baby, and though they may be having fine times when there's a priest, she has another, now she's a mother. 9 times. It all went wrong, but where? Details are slightly clinical. She's out in Reno. The kids adore the flight. Hi-ho, they're gonna be all right. Things will heal. I know couples who look ideal. They no longer know what they feel. They've been practicing charm. All is well, at least as far as their friends can tell. Please ignore the peculiar smell. There's no cause for alarm. Mildew will do harm. What if her brain is dead? What if he's ineffectual? They look delicious. They're gonna be all right. They both go right to bed when they feel intellectual. No one suspicious. They're gonna be all right. Who's on the skids? She'll go to night school. If it's the right school, he'll permit her. They love the kids. They love their friends too. Lately, he tends to hit her. Sometimes she drinks in bed. Sometimes he's homosexual. But why be vicious? They keep it out of sight. But show, they're gonna be all right. And so, they're gonna be all right. Hi-ho, we're gonna be all right. Les paroles non censurées de We're Gonna Be Alright par Laurence Guiltard et Terry Ralston. Quant à la chanson-titre de Do I Hear a Waltz, eh bien c'est une vraie trouvaille dans la dramaturgie. Dans l'histoire, en fait, voilà, le marchand vénitien marié semble se racheter auprès de l'américaine. Il lui offre un collier, mais bon, elle ne sait pas encore qu'il l'a acheté à crédit et qu'elle devra bientôt le lui rendre. Petite fille naïve, elle est là, maintenant, au paradis. Alors dans cette chanson, elle explique que depuis toujours, je sais que le jour où j'entendrai une valse, eh bien, ça sera le signe de l'arrivée d'un amour vrai. Et pour composer des valses, Richard Rodgers savait s'y prendre. Donc là, elle entend une valse. Do I hear a waltz? Very odd, but I hear a waltz. There isn't a band, and I don't understand it at all. I can't hear a waltz. Oh, my Lord, there it goes again. Why is nobody dancing in the street? Can't they hear the beat? Magical, mystical, miracle, can it be? Is it true? Things are impossibly lyrical. Is it me? No, it's you. I do hear a waltz. I see you and I hear a waltz. It's what I've been waiting for all my life, to hear a waltz. Do you hear a waltz? Oh, my dear, don't you hear a waltz? Such lovely blue Danube music, how can you be still? Oh, you must hear a waltz. Even strangers are dancing now. An old lady is waltzing in her flat, waltzing with her cat. Roses are dancing with peonies. Yes, it's true, can't you see? Everything suddenly Viennese. Can't be you, must be me. Do I hear a waltz? I want more than to hear a waltz. I want you to share it, 'cause oh boy, do I hear a waltz. Thank you. magical, mystical miracle can it be? Is it true? Things are impossibly lyrical. Is it me? No, it's you. Il existe deux enregistrements de cette comédie musicale Do I Hear a Waltz, originale en 1965 avec Elizabeth Allen dans le rôle de la jeune américaine et puis la recréation en 2001 à Pasadena en Californie. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous trouverez leur référence. Dans l'actualité des comédies musicales, d'abord un nouveau livre, Hello Broadway. Le parfait digest pour découvrir l'histoire de Broadway, de ses théâtres, la genèse de ce genre créé à New York, mais aussi ses différents âges d'or avant la crise de 29 et l'envol après la Seconde Guerre mondiale. Un livre qui revient sur les grands compositeurs et les œuvres marquantes, signé Patrick Niedo et paru aux éditions Ipanema. J'ai 5 exemplaires à vous offrir. Que dédicacera l'auteur à votre attention? Pour les remporter, il vous suffit de nous envoyer un mail en indiquant votre adresse, s'il vous plaît. Avant mardi minuit, nous tirons au sort les 5 gagnants. Direction donc la page de 42e rue sur francemusique.fr. Et puis un coup de cœur, Chambre 113, une comédie musicale intimiste et audacieuse qui se déroule dans un hôpital, dans la chambre d'une jeune femme plongée dans le coma après un accident de voiture et tout autour l'agitation du mari, des infirmières, du médecin, une sorte de ballet comico-dramatique. Très touchant. C'est une œuvre originale créée par Claire-Marie Tchitchenko et Éric Bongrand, mise en scène par celui qui avait mis en scène les Parapluies de Cherbourg au Châtelet, Vincent Vitoz. En voici un extrait vers la fin du spectacle, alors que le mari croit toujours que sa femme sortira du coma. Malgré les semaines, il continue d'y croire. L'entêtement du désespoir, son arrogance même et ce ton péremptoire, sait-il qu'il est sur mon territoire? Il semblerait que personne ici ne respecte mon génie. Tous aveugles qui ignorent ainsi l'immense valeur du docteur Krinsky. Le temps s'écoule et chaque jour te voilà, tu reviens sans cesse. N'abandonnant pas ta main sur la mienne, tu me rappelles à ce monde qui continue de tourner sans moi. Jour après jour, pris dans le compte à rebours, comme à la merci du temps. Luttant jour après jour jusqu'au point de non-retour, quand espérer tant et tant. Que la raison n'a plus cours, que plus rien n'existe autour que celui que l'on attend jour après jour. Bonjour, monsieur Casal. Ça va faire presque 6 mois. Je me demandais si vous aviez reconsidéré... Je vous ai déjà dit qu'il était inutile d'insister, docteur. Tant qu'il y aura le moindre espoir, je ne la débrancherai pas, je ne changerai pas d'avis, je suis sûr de moi. Napoléon était sûr de lui avant Waterloo. Merde ! C'est pas ce qu'a dit Cambronne à Waterloo ? Je ne fais que citer. Une légende. Mais bon, vous êtes bien du genre à donner foi aux légendes, vu comme vous semblez croire au miracle. Le temps s'écoule... Et chaque jour tu t'en vas, ne reste rien que ce froid. Jusqu'au lendemain, je compte les secondes qui me séparent encore de toi. Le temps s'écoule et chaque jour je me bats, peut-être en vain, peut-être pas, pour que de cet endroit où je vagabonde, tu redescendes jusqu'à toi. Jour après jour, pris dans le compte à rebours, comme à la merci du temps, luttant jour après jour jusqu'au point de non-retour, à espérer tant et tant. Mais l'histoire suit son cours, et derrière chaque porte naissent autant de détours, autant de carrefours. Ce que la vie conforte